R.I.G. Oh, l'anarchie, c'est vachement plus ordonné que nous. In R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Laisse donc un peu les filles. Allez, ouvrez ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Apprends-moi la main, toi, mon petit Pékin. Oh oui, viens avec moi. Apprends nos traits, ne vaut pas. Salut, c'est Eric, bienvenue sur RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi soir. Oui, je veux pas dire tous les mercredis soirs. Le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Je suis heureux de vous retrouver après ces 3 semaines d'absence. Je vais bafouiller, ne vous inquiétez pas. Oui, on ne va pas changer les bonnes habitudes. Et asseyez-vous confortablement chez vous, dans votre voiture, quoi que ce soit. Vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Je vais vous proposer du Johnny Hallyday pendant 2 heures. Mais pas n'importe quel Johnny Hallyday. Johnny Hallyday en live, avec Johnny Hallyday à la télévision dans les années 70. On va retrouver dans les années 70 les émissions Cadet Roussel, les émissions Top A, l'émission Domino, les émissions aussi Numéro 1. Voilà, bref, un beau programme en perspective et qui retrace en gros toute la discographie de la décennie 70 de Johnny Hallyday, avec que des bons titres, que des bons titres. Oui, oui, oui. Non, je vous dis pas le. Non, non, je vous dis rien du tout. Je ne dirai rien. Vous le saurez en écoutant l'émission du début jusqu'à la fin. Et si on commençait tout de suite l'émission, hein, on va pas faire trop de blabla, non, non, non. On va commencer par de suite par une émission de Cadet Roussel, c'était le 4 novembre 1971. Et Guy Lux, à l'époque, qui présentait cette émission sur la deuxième chaîne, donne un bon coup de pouce à Johnny Hallyday pour lancer ou pour relancer son album Flagrant Délit. On l'écoute tout de suite, voyez ce que je veux dire, essayez, il faut boire à la source. Oh ma jolie Sarah, fils de personne, oh mince, j'ai dit le programme, zut. Installez-vous bien, Johnny Hallyday pendant 2 heures, c'est tout de suite et nulle part ailleurs, c'est érigé. Je la revois hier matin, tenant un type à la main. je veux dire. Cadet Roussel, John Hallyday, le thème de l'émission ce soir, live, télévision, années 70. Si tu veux choisir, si tu veux le goûter, il te suffit de Guilux, formidable Calais Roussel sur Antenne 2. Et c'était le 4 novembre 1971. Voici tout de suite Fils de Personne. Guerrière, et fin de ce Quai des Roussels du 4 novembre 1971. On n'écoutera pas le top A de Johnny Hallyday en 1972 parce qu'il n'y avait que du playback. Et là, on revient au vrai live. Quai des Roussels, 4 janvier 1973. Et du temps passé déjà à pleurer ou bien à rire. Non, rien ne vaut cette fille-là. J'ai tout le meilleur. Je t'aime.

Superbe version de Tu peux partir si tu le veux, extrait de l'album Insolitude sorti en 1973. On retrouve Johnny encore dans une émission Cadet Roussel le 22 février 1973 et interprète un de ses tubes entre guillemets de l'album Insolitude comme un corbeau blanc qui n'a rien à voir avec le reste de l'album. Comme un corbeau blanc, l'amour. Dans l'émission Johnny de A à Z, on retrace les passages télévision de Johnny Hallyday dans les années 70. Lorsqu'on dit Jean-Jacques Debout, ça veut dire une équipe de copains, une équipe de copines. Bien sûr, et là on retrouve Johnny là encore dans une émission Cadet Roussel en différé, enfin du moins en duplex. Et le premier a tenu hors prix. C'était le 3 mai 1973. Il est dans moins de deux heures sur la scène de Marignane devant des dizaines de milliers de fans. Mais ce soir, pour toi, il a tenu à être là. Nous appelons tout de suite nos amis de la station régionale de Marseille où nous attend bien sûr le grand ami de Jean-Jacques Debout, notre ami à tous, Johnny Hallyday. Johnny ! Ça va ? Tu vas bien ? Oui, et toi ? Ben, ça va très bien, mais je suis très surpris de te voir ici. Ben, moi aussi. Tu n'as pas eu le mal de mer dans l'avion ? Non, on a bougé un peu, mais tout va bien. Bon. Ça a l'air de bien se passer ? J'espère, oui. Enfin, je te remercie d'avoir participé à ce grand prix. Et si vous voulez, pour mon ami Johnny, hip hip hip ! Merci, merci Johnny d'être parmi nous ce soir. Tout ce que je peux regretter, c'est de pas être avec vous. Oui, mais tu sais bien que tu fais partie de la famille et que tu vas revenir très bientôt. Mais ce soir, si tu veux, tu vas chanter une des toutes premières chansons que t'as écrites, Jean-Jacques. Tu veux bien ? Avec plaisir, oui. Alors tu nous en rappelles le titre ? Pour moi, la vie va commencer. Pour moi, la vie va commencer. En revenant dans ce pays, là où le soleil et le vent, là où mes amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant. Pour moi, la vie va commencer. Et mon passé sort de l'oubli, foulant le sol de ma prairie, chevauchant avec mes amis. Pour moi, la vie va commencer. Va commencer. Je peux voir descendre la nuit sans avoir peur d'être surpris, tandis qu'au loin, comme un troupeau, passent les ombres des chevaux. Ah, pour moi, la vie va commencer. Et sous le ciel de ce pays, les années passeront sans vie entre le ciel et mes amis. Oui, pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer. La veille de son anniversaire, Johnny Hallyday est invité à nouveau à Cadet Roussel, donc le 14 juin 1973. Il interprète 4 titres en live. Oui, il y a eu 2 titres rendus en playback. Mais en live, pure live, il me propose Blue Sweet Shoes, Le Feu, J'ai besoin d'un ami et La musique que j'aime. Show. To the good of rooting on cold cat toe, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do the favor of my blue suede shoe. Look at that heavy town, step on my face. Shout out my name, all the pain. All the pain, that's just what I do. On the half of my shoes, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do the thing of the half of my blue suede shoe. Hey! Car, break my saddle for my whole foot chop. Do what I think that you wanna do. Only half of my shoes, but don't you shiver my blue suede shoe. We can do anything but half of my blue suede shoe. Hey! For the money, two for the show. Two to get it ready now, go, go, go. But don't you sip on my blue suede shoe. Oh, we can do anything but lay off on my blue suede shoe. Oh, where's your blue, blue, blue suede shoe, baby? Blue, blue, blue suede shoe, baby. Blue, blue, blue suede shoe, baby. Blue, blue, blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off on my blue suede shoe. Alors, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Hein. John Hallyday sur RIG, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Voici tout de suite le feu. Ce soir, d'un vieil homme, un enfant, mais quelqu'un qui sourit et qui me tend de la main. Je suis seul dans la ville, je ne suis qu'un passant, un visage sans nom parmi les

de soleil et d'amitié. T'envoie l'enfant perdu, toutes les joies qu'on m'a données, je les ai agrandies, même si je les ai rêvées, pour les mettre à l'abri. Oh, moi je construis les murs autour de mes lieux. Émission top à Johnny en 1974. Johnny est accompagné de Gabriel Yared et de son orchestre. Surtout pour ce titre-là, Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Encore une fois, un titre qu'on a pu écouter réellement en live. Le seul extrait que nous avons actuellement d'officiel, c'est dans cette émission top à Johnny. Je t'aime d'amour. aidé un an plus tard, 1975, le 21 exactement, pour un numéro 1. Numéro 1, Johnny Hallyday, Marie-Tige Bercampentier. Celle qui vient, c'est la plus belle de tout le quartier. Et mon plus grand désir, c'est de lui parler. Elle a qui je mes amis, elle n'est plus petite. Pourtant, pour elle, je n'ai pas l'impression d'exister. Et tout ceci m'empêche pas de penser. Je suis là, mon vieux. Et Thierry. Cette voiture, on la dirait vraiment faite pour moi. Et il doit faire mon rouler avec ça. Et la chose que je pense au prix de l'essence, je peux simplement l'envie de la prier. Tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette voiture-là, mon vieux, est jolie. Attends un peu, que je travaille. Et les copains nous voyant pas, c'est du romanisé. Y'a pas à dire que là, waouh, il est chéri. C'est beau de rouler en rêvant. Voilà, j'arrête ma vieille citron. Et j'ai pas mis le temps la belle maison. Le seul que j'ai, les cachards bien joués. Pourtant, sur mon passage, et le voit. défend son album Rock and Memphis en 1975 et dans ce numéro 1, John Hallyday, donc le 21 janvier 1975. 1975 et nous allons rejoindre d'ici quelques secondes un autre top à Johnny, non, numéro 1, pardon, numéro 1 Johnny Hallyday. C'était le 11 juin 1977 avec que des classiques. Derrière l'amour, il y a toute une chaîne de pourquoi.

dernier titre de la soirée. Dernier titre de ce numéro 1, Johnny Hallyday. C'était le 11 juin 1977 et on se quitte avec la musique que j'aime à nouveau. Autre version, mais bien sûr. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en ma compagnie, toutes et toutes. Peu de gens savent, on écoute exactement ce que veut dire le blues. Le blues représente pour chaque personne quelque chose de différent. Ici, dans cette chanson, j'ai voulu, avec mon ami Michel Mallory, écrire cette chanson pour expliquer. Ce que représente le blues pour nous. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des manoirs lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Où la musique vivra. J'ai mis mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant, autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des manoirs le donnaient l'air. Olivier, salut. Cette émission Johnny de A à Z spécial live TV des années 70. J'espère que cette émission vous a plu à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous non pas la semaine prochaine. Je sais, oui, non, ne me jetez pas de pierre. Non, ne l'invitez pas. Non. Et on se donne rendez-vous en début décembre pour une nouvelle émission. Et là, on va faire la suite, hein, pourquoi pas, les années 80. Allez, c'est parti. Yep, c'est parti. Merci à tout un courant à tous pour votre fidélité de suivre cette émission dès qu'elle est présente. Bonne nuit à toutes et à tous. À bientôt. Ciao.